J'aime bien l'espoir qu'on s'en va dans les ailes froides de ton âme. C'est si grand le désir de ta voix, mais c'est vague. Cette douleur, je vois la peur dans tes yeux. Et toi, non, tu n'es pas seule. Il faut tuer la solitude. L'espoir que s'en va, mais ces vagues énormes me traînent. Mon cœur, dis-moi, pourquoi cette douleur? Je vois la peur dans tes yeux. Solitude en toi.